إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc dans ce cours aujourd'hui inshallah ta'ala on va expliquer une des sourates parmi les sourates du Coran et qui s'appelle sourate al-Waqi'a. Sourate al-Waqi'a. Et avant de rentrer dans l'explication et qu'on ait l'explication aussi bien entendu le tafsir an-nufassir, donc c'est l'explication du Coran al-tafsir, on fait un rappel pour ce qui est du Coran, sachant qu'Allah Azza wa Jalla dit fi kitabihi wa innahu la tanzil rabbil alamin nazala bi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin. Donc ce livre, le livre d'Allah Azza wa Jal, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, innahu la tanzil, c'est-à-dire qu'il est descendu de la part du Seigneur des mondes, nazala bihi ar-ruhul amin, et donc il est descendu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril, ar-ruhul amin, ala qalbika, c'est-à-dire sur ton cœur. Le cœur de qui? Le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a appris donc par cœur et qu'il a ensuite transmis à ses compagnons, qui eux donc l'ont transmis aux tabi'in, qui eux l'ont transmis aux atba' tabi'in, et ainsi de suite jusqu'à nos jours, depuis 14 siècles, ce Coran qui nous est venu comme il est descendu la première fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ala qalbika litakuna min al-mundhirin bi lisanin arabiyyin mubin, et donc avec une langue arabe qui est claire. Donc ce Coran il est en langue arabe et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. La croyance des gens de la sunna du consensus bi ijma' sahaba wa tabi'in ijma' salaf, que ce Coran c'est la parole d'Allah Azza wa Jal haqiqatan harfan wa ma'nan, que ce soit par rapport donc aux lettres ou que ce soit par rapport au sens des versets du Coran, c'est la parole d'Allah en toute vérité et réellement. Et Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّهِ, c'est-à-dire qu'il y avait certes un groupe parmi eux qui entendaient la parole d'Allah. Donc on voit ici qu'Allah Azza wa Jalla il a annexé à lui subhanahu wa ta'ala la parole. يَسْمَعُونَ كَلَامُ اللَّهِ كَلَامُ اللَّهِ. Et également Allah Azza wa Jalla يقول وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ اللَّهِ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامُ اللَّهِ, jusqu'à qu'il entende donc la parole d'Allah. Donc on voit annexion réelle qui prouve que Allah Azza wa Jalla il a bel et bien parlé dans son Coran et que c'est la parole d'Allah. Et comme cela la croyance des gens de la sunna du consensus. Un autre appel que l'on fait, c'est que pour ce qui est de l'explication du Coran, les gens de la Sunna reposent sur 5 niveaux. Le premier niveau, c'est l'explication du Coran par le Coran. Le deuxième niveau, c'est l'explication du Coran par la Sunna. Le troisième niveau, c'est l'explication du Coran par aqwal al-sahaba, c'est-à-dire les paroles des sahaba. Le quatrième niveau, c'est l'explication du Coran par les paroles des tabi'in. Et ensuite, le cinquième niveau, c'est l'explication du Coran par la langue arabe. Donc le Coran, il a été expliqué également par le Coran. Donc, on trouve des versets du Coran qui ont expliqué d'autres versets du Coran. Le Coran, il a été également expliqué par la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit dans la sunna que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va nous interpréter les versets du Coran. Également, on va revenir sur la parole des sahaba, ceux qui ont entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et à la tête, parmi eux, Ibn Abbas, qui était considéré comme le plus savant parmi les sahaba dans l'explication du Coran. Ensuite, les tabi'in, les paroles des tabi'in, car ils ont pris eux également des sahaba, qui eux ont pris du prophète sur scène, donc ils sont les plus à même de connaître ce que Allah Azzawajal a voulu dans son Coran. Donc c'est pour ça qu'on revient à eux, ils sont les plus habilités dans cela. Et ensuite, on revient également à la langue arabe elle-même, pour expliquer des termes, etc. Car ce Coran est descendu en langue arabe. Et donc on revient à la langue arabe pour expliquer ce Coran, ce qui est des plus logiques. Al-Waqi'a, c'est une sourate qui est mekkiya, qui est descendue donc durant l'ère mekkoise. Al-Waqi'a, donc qui vient du verbe waqa'a. Al-Waqi'a, ismun fa'il, mu'annath, et qui vient donc du verbe waqa'a. Waqa'a, que l'on traduit par advenir, lorsqu'il arrive quelque chose. Waqa'a shi'un, donc il y a une chose qui vient d'advenir, il est devenu une chose, on dit waqa'a shi'un. On dit également, lorsqu'une personne elle tombe par exemple dans un trou, on dit waqa'a fil hufra, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est tombée dans un trou. Donc c'est advenir, c'est tomber, etc. Al-waqi'a. Al-waqi'a ismun min asma yawm al-qiyamah. C'est donc un des noms parmi les noms yawm al-qiyamah, du jour du jugement. Un des noms donc. Un de ces noms c'est Al-waqi'a. Et on a vu dans les cours, lorsqu'on avait parlé sur la croyance au jour dernier, on avait cité plusieurs noms de yawm al-qiyamah que l'on retrouve donc dans le Coran. Idha waqa'atil waqi'a. Donc on voit ici que le verbe waqa'atil waqi'a va précéder donc le terme et le nom al-waqi'a, qui est le nom donc du jour du jugement. Donc lorsque le jour du jugement va advenir, va arriver, idha waqa'atil waqi'a, laysa li waqa'atiha kadhiba, laysa li waqa'atiha kadhiba. Pour ce qui est de l'explication de ce verset, les savants, ils ont divergé en deux avis. Le premier avis qui dit que, en revenant au terme kadhiba, à la fin du verset on voit le terme kadhiba, laysa li waqa'atiha kadhiba, laysa bien entendu qui va marquer ici la négation, laysa li waqa'atiha kadhiba. Kadhiba, certains savants ont dit hadha masdar, c'est un masdar ala hayati ism fa'il, et qui a donc pris la forme ou qui est sous la forme de ce qu'on appelle l'ism al-fa'il. Et on sait que cela est présent dans la langue arabe. Lorsqu'on dit par exemple aqiba bima'na uqba, aqiba bima'na uqba, donc aqiba qui est ism al-fa'il, mais en réalité qui est le masdar ici ala hayati ism al-fa'il. Tayyib, donc aqiba bima'na uqba. De même ici kadhiba bima'na kadhib, donc on sait que ici le masdar c'est le kadhib, et qu'il a pris la forme ici de ism al-fa'il qui est kadhiba. Donc c'est comme si on disait laysa li waqa'atiha kadhib, donc il n'y a pas à son propos, c'est-à-dire donc par rapport à sa venue, laysa li waqa'atiha, il n'y a pas donc par rapport à sa venue de doute, donc il n'y a aucun mensonge, laysa hunak kadhib fa huwa haqq la miryata fih la shakka fih. C'est comme ça qu'on comprend le verset du Coran suivant cette explication. Et c'est dans le même sens du verset du Coran, rabbana innaka jami'un nas liyawm la rayba fih, c'est-à-dire ô mon Seigneur, ô notre Seigneur, rabbana innaka jami'un nas, tu vas donc réunir les gens, liyawmin, donc dans un jour, ce jour qui est bien entendu yawm al-qiyama, la rayba fih, où il n'y a pas de doute sur cela. Donc ici le même sens, pour de sa venue il n'y a aucun doute, il n'y a pas de mensonge, c'est réel, haqq, hadha wa ma'na laysa li waqa'atiha kadhiba. Le deuxième avis qui dit en fait que kadhiba c'est sifatun li mawsufin mahdhuf, c'est donc ici un attribut qui va être considéré comme un adjectif d'une chose ou d'un nom qui va être lui mahdhuf, être retiré ou effacé. والتقدير إذا كان يوم القيامة لا تكون هناك نفس كاذبة لما ترى هذا هو معنى. C'est-à-dire ici kadhiba, ça va être donc un sifa, un adjectif ou un attribut d'une chose qui va elle être effacée ou retirée, et qui en réalité nafs, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'âme qui pourra ce jour-là et à ce moment-là renier et mentir à propos de Yawm al-Qiyamah, d'après ce qu'elle va voir ce jour-là. Laysa li waqa'atiha kadhiba. Donc nul ne traitera sa venue de mensonge ce jour-là. Yawm al-Qiyamah, personne à ce moment-là. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, qui va dans le même sens, فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَمِينَ. C'est-à-dire qu'ils ne croiront pas jusqu'à qu'ils verront. Donc qu'ils verront de leurs propres yeux الْعَذَابَ الْأَمِينَ, le châtiment douloureux. Donc ces gens-là, les kuffars, les mécréants, jamais ils ne croiront. Si tu leur apportes tous les barahim, toutes les preuves, Allah Azza wa Jalla a cédé leur cœur pour beaucoup d'entre eux, jusqu'à qu'ils mourront et jamais ils ne croiront. Et donc ce jour-là, personne ne pourra renier cela, parce qu'ils la verront venir de leurs propres yeux. Comme quand ils verront donc Al-Azab Al-Alim, comme quand ils verront ce jour-là le châtiment devant eux. Ils le verront dans leurs propres yeux. Plus personne à ce moment-là pourra mentir. Plus personne pourra renier. Ils ont renié, fi hadhihi ad-dunya, dans cette vie d'ici-bas. Mais dans l'au-delà, ce sera terminé. Après la mort, plus personne ne pourra renier. Parce qu'ils le verront de leurs propres yeux. Allah musta'an. Ensuite, khafidatun rafi'a. Khafidatun rafi'a. Ici, bilittifaq, c'est-à-dire consensus des savants, qui disent que ces deux adjectifs, ici on a deux adjectifs, deux attributs. Khafidatun rafi'a, qui sont ici également ism fa'il, mu'annath, et qui viennent en fait décrire Yom al-Qiyama, al-Waqi'a, donc qui reviennent à al-Waqi'a. Khafidatun rafi'a. Wa khafida, ça vient du terme donc al-Khafd, al-Khafd, qui est en réalité le fait de rabaisser, qui a la notion donc de rabaisser. Khafidatun, donc qui rabaisse. Wa rafi'a, qui sont opposés, son antonyme. Rafi'a, qui vient donc du terme rafa'a, et qui est l'élévation. Donc, al-waqi'a, elle va rabaisser et elle va élever. Mais qu'est-ce qu'elle va rabaisser et qu'est-ce qu'elle va élever? Ici, on va voir que les savants, ils ont divergé sur cela, principalement trois avis. Le premier avis, c'est le suivant, qu'Allah Azza wa Jal, il va rabaisser Ahlul Kufr ila an-nar, donc les gens de la mécréance, ce jour-là, Allah Azza wa Jal va les rabaisser. Bien entendu, ici, on a dit adjectif qui revient donc à Yom al-Qiyam, au jour du jugement. Donc ce jour-là, qui va être donc la cause. Mais celui qui rabaisse réellement, c'est Allah Azza wa Jal. لأنه هو الخافض الرافع. Allah تبارك وتعالى هو الخافض الرافع. On sait que, également un rappel que l'on fait, qui est important pour ce qui est des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il a des noms, et ça on l'a vu dans les règles qu'on avait citées plusieurs fois, que ce soit à travers l'explication du livre Les Repères de la Sunna, ou alors à travers l'explication du livre Les Règles Exemplaires. Qu'Allah Azza wa Jal, il a des noms, et que ces noms, on est obligé de les citer par paire. On est obligé de les citer par paire, c'est-à-dire donc qu'on ne les cite individuellement pour ce qui est d'un certain nombre de noms d'Allah Azza wa Jal. Et parmi ces noms, Al-Khafid al-Rafi'a. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il rabaisse et il élève. Ça fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Il rabaisse et il élève. Et donc ces deux noms, il faut les citer ensemble. Pour pas qu'il y ait en fait une mauvaise compréhension si on prenait uniquement le nom Al-Khafir, celui qui rabaisse. Celui qui rabaisse uniquement, on pourrait avoir une mauvaise compréhension de ce nom d'Allah Azza wa Jal. Alors que lorsqu'il est cité avec Ar-Rafir, donc celui qui rabaisse, et celui qui élève, on va comprendre tout de suite qu'ici, il y a donc un acte qui va être fait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en conséquence de ces noms-là, et qui va avoir donc pour résultat qu'il va rabaisser Allah subhanahu wa ta'ala des gens et qui va élever des gens, subhanahu wa ta'ala. Les abaisser par rapport à leur situation dans cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils étaient koufars, et élever ceux qui étaient comme des croyants, qui étaient considérés comme des véritables croyants, qui étaient des véritables croyants. Allah Azza wa Jal, ces gens-là, il les élève. Donc, lorsqu'on comprend ces deux noms, lorsqu'ils sont cités ensemble, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à la compréhension. Al-Khafid al-Rafi'a. De même, pour ce qui est de Al-Mu'izz, Al-Mudhil, qui est ici dans le même sens, qui va également dans le même sens. Al-Mu'izz, Al-Adhi U'izz, c'est-à-dire celui qui élève, والمذيل celui qui humilie, donc qui rabaisse également. Al-Mu'iz al-Mudhil. C'est pour ça que ces deux noms également on les cite ensemble. On ne dit pas Al-Mudhil uniquement. On est obligé de le citer avec son opposé qui est Al-Mu'iz ici. Al-Mu'iz al-Mudhil qui sont également, qui font partie des noms d'Allah Azzawajal. De même pour ce qui est Al-Mu'ti al-Mani'a. Al-Mu'ti al-Mani'a. C'est-à-dire celui qui donne et celui qui retient. Donc on ne cite pas le nom d'Allah Azzawajal uniquement Al-Mani'a. On est obligé de le citer avec celui qui est son opposé qui est Al-Mu'ti. Al-Mu'ti al-Mani'a. Donc ici on voit que c'est une règle qu'on doit appliquer, qu'on n'a pas le droit donc, lorsqu'on voit ces noms d'Allah Azzawajal, de les citer ou de citer uniquement le nom, ici en l'occurrence Al-Mani'a pour ce qui est Al-Mu'ti al-Mani'a, ou Al-Mudhil pour ce qui est Al-Mu'iz al-Mudhil, ou alors Al-Khafid pour ce qui est donc Al-Rafi'u al-Khafid, celui donc qui élève et celui qui rabaisse. Khafidatun Rafi'a. On a dit ici pour ce qui est de cet adjectif qui revient à Yom al-Qiyama, et dont en réalité c'est Allah Azzawajal qui rabaisse et qui élève. On a dit donc trois explications des savants. Le premier, Ahlul Kufr al-Nar, qu'Allah Azzawajal va rabaisser les gens de la mécréance au feu. Et ça, c'est le même, ou ça va dans le même sens que le verset du Coran, Inna al-Munafiqina fi darkil asfali min al-Nar. C'est-à-dire que les hypocrites qui sont en réalité ici, Al-Munafiqin, Aqidatan. C'est-à-dire ceux qui ont été les hypocrites de par leur croyance, et qui sont donc pires que les koufars en eux-mêmes, ceux qui ont caché leur mécréance et qui ont fait voir aux gens leur islam alors qu'ils étaient mécréants dans leur fort intérieur. Inna al-munafiqina fi darkil asfali min an-nar. Donc Allah Azza wa Jalla va les rabaisser au plus bas niveau du feu. Ayadan billah. Inna al-munafiqina fi darkil asfali min an-nar. Donc ici bima'na khafida. وَالْرَافِعَ أَهْلُ الطَّاعَةِ إِلَى أَعْلَى الْجِنَانِ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla va élever les gens de l'obéissance. Il va les élever, subhanahu wa ta'ala, au plus haut degré, dans le paradis. Plus ils auront eu la foi, plus leur croyance aura été saine, plus leur acte qui en découle sont nés d'un ikhlas pur, et plus Allah Azza wa Jalla, il va les élever. فِي الْجَنَّةِ. Donc ici, رَافِعَ. Rafi'a. Le deuxième avis, c'est également dans la vie de l'au-delà, car le résultat, il va se trouver, c'est-à-dire ici, Rafi'a, il va se trouver Yom al-Qiyama. On sait que dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, les gens du Kufr, est-ce qu'il se passait avec les Sahaba eux-mêmes, lorsqu'ils passaient devant eux, ils se moquaient d'eux, ils se faisaient des clins d'œil, Ayadan Billah. Ça, c'était de la moquerie. Donc, pour rabaisser les croyants, fi hadith dunya, pour les rabaisser. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, il va faire que les choses vont être inversées. C'est-à-dire qu'il va rabaisser les mécréants devant les croyants. Et que c'est à leur tour les croyants, lorsqu'ils verront leur situation en mécréant, qui rigoleront. C'est-à-dire qu'ils se moqueront à leur tour par rapport à ce que eux ils faisaient. Fi hadhihi ad-dunya, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla yaqul إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Les criminels riaient de ceux qui croyaient. وإذا مروا بهم يتغامزون. Et lorsqu'ils passaient donc près d'eux, ils se faisaient des œillades, donc des clins d'œil. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et lorsque ils retournaient dans leur famille, ils retournaient donc en plaisantant, en se moquant d'eux toujours. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وَإِذَا رَآهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَا إِلَى الضَّالُونَ. Et en les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Donc on voit que dans cette vie d'ici-bas, et jusqu'à nos jours, on voit que les mécréants, c'est ceux qui se moquent des croyants, ceux qui s'attachent à la religion, ceux qui montrent les signes de l'Iman, les signes de la foi. Dans cette vie ici-bas, ils se moquent. يوم القيامة, Allah subhanahu wa ta'ala, il va inverser la tendance. Et il fera que ce seront les croyants qui se moqueront des mécréants. C'est pour ça qu'ensuite, وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui donc, ce sont ceux, يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Aujourd'hui donc, ce sont ceux qui ont cru, qui rient des infidèles. Donc on voit que ce sera Yom al-Qiyamah par rapport donc à ce qu'il y a eu fi hadhihi ad-dunya. Pour ces deux avis, on voit que c'est min bab at-targhib wa at-tarhib, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous dit khafidatun rafi'a, il fait désirer aux croyants de s'accrocher donc à leur religion, d'exercer le plus de bonnes actions fi hadhihi ad-dunya, pour donc être parmi ceux dont Allah Azza wa Jalla, il va les élever yawm al-qiyamah. Wa at-tarhib, c'est d'avoir peur donc de tomber fil nifaq ou fil kufr, d'avoir une peur donc constante de tomber dans ce qui est ou de s'égarer dans le mauvais chemin, afin de ne pas faire partie de ceux qu'Allah Azza wa Jalla va rabaisser yawm al-qiyamah. Le troisième avis, ça concerne ici ce qu'on appelle ajram al-kawniya, c'est-à-dire donc les corps, ce qui constitue l'univers. On sait qu'Allah Azza wa Jalla est dans le Coran, beaucoup de versets en parlent. On sait qu'il va avoir donc de ces corps, de ces créatures qui vont être rabaissées et d'autres qui vont être élevées. Parmi celles qui vont être rabaissées, khafidatun, le soleil. Allah Azza wa Jalla nous dit wa idha ash-shamsu kuwirat, et lorsque le soleil sera obscurci, alors que ce soleil il était puissant, qui nous éclairait dans cette vie d'ici-bas, qu'il était au-dessus de nos têtes, yawm al-qiyama, Allah Azza wa Jalla, il va le rendre obscurci. Il n'y aura plus de lumière. Idha ash-shamsu kuwirat. Également à propos de an-nujum, c'est-à-dire les étoiles, celles dont on voit la nuit, celles dont on les prend donc comme guide afin de se guider. Fi dhulumat al-layla. Wa idha an-nujum kadarat. Et lorsque les étoiles deviendront ternes, lorsqu'elles vont s'éteindre, ces étoiles qui nous donnaient cette lumière, yawm al-qiyama, Allah Azza wa Jalla, il va les rendre ternes, plus de lumière. Donc il va les rabaisser. Wa yarfa Allah Azza wa Jalla. Et il va élever d'autres créatures, ou alors d'autres corps qui constituent cette terre ou cet univers. Et à titre d'exemple, les montagnes. Al-Jibal. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un des versets du Coran, wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab. C'est-à-dire, tu vois les montagnes. Tahsabuha jamidatan. Tu crois donc qu'elles sont fermes, qu'elles ne bougent pas. Et en réalité elles vont passer comme passent les nuages. Et comme l'ont expliqué les savants du Coran, et c'est l'avis le plus fort, que ça c'est Yom al-Qiyamah, c'est que ce verset concerne Yom al-Qiyamah, le jour du jugement, et qu'Allah Azza wa Jalla donc il va élever les montagnes au-dessus de nous, elles vont passer, alors que dans cette vie d'ici-bas elles étaient jamidatan, elles étaient donc fermes, elles étant donc ancrées dans cette terre, yawm al-qiyama, elles seront au-dessus de nous, elles passeront. Marra as-sahab, comme passent donc les nuages. Donc on voit Allah Azza wa Jalla, il va les élever. Et en même temps, ensuite, il les rabaissera, comme on va voir à la suite du verset même, ou à la suite de la sourate même, il les rabaissera ensuite. Tout ça, donc, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc yawm al-qiyama, il y aura donc ces choses-là qui vont être élevées, et d'autres choses qui vont être abaissées. وَهَذَا مِنْ بَابْ تَعْظِمْ بِشَأْنِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, à travers donc ces signes, il nous montre dès maintenant subhanahu wa ta'ala, et il nous informe subhanahu wa ta'ala de la grandeur de ce jour, يَوْمٌ عَظِيمٌ, un jour qui sera terrible et grand, pour nous faire prendre conscience donc de ce jour-là. Ça donc c'est les avis des savants. Et commencer pour ce qui est du Coran, tant que les avis sont valables, ça peut donc vouloir dire cela, ça peut donc vouloir dire également cela. Ces avis sont acceptables. Autant Allah Azza wa Jalla élèvera donc ses corps, etc., autant il fera de même pour ce qui est des gens de l'obéissance, il les élèvera. Yawm al-qiyamah. Ensuite, il dit subhanahu wa ta'ala, إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةً وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّةً فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّةً إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّةً. Donc quand la terre sera secouée violemment, et ça les shiddati ahwal yawm al-qiyamah, c'est-à-dire comme on l'a dit, de la grandeur et également de ce jour qui va être terrible et de tout ce qui va arriver, la terre elle va trembler. Wa bussati al-jibal bassa, et les montagnes seront réduites en miettes. Donc on voit ici hadha min bab al-khafd, c'est-à-dire donc khafidatun, Allah Azza wa Jalla ensuite il rabaissera ces montagnes-là, pour nous montrer ce jour et l'importance de ce jour. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّ. Et pour ce qui est de ce verset-là, il est de même pour d'autres versets du Coran. Parce qu'Allah Azzawajal, il dit يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. C'est-à-dire donc رَمْلًا مُتَهَايِلًا. Donc le jour où cette terre elle sera donc, et également les montagnes trembleront, et qu'ensuite ces montagnes-là deviendront كَثِيبًا مَهِيلًا. هذا في سورة المزمل. Donc elles deviendront comme des miettes, elles deviendront donc comme du sable, elles deviendront éparpillées. Et de même, ensuite, Allah Azzawajal dit فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّ. Et qu'elles deviendront donc poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Haba, la poussière. Cette poussière que l'on voit, tellement elle est fine, cette poussière que l'on voit à travers les rayons du soleil. Lorsque le rayon du soleil pénètre et qu'on voit cette poussière, Yom al-Qiyamah de même va devenir donc la montagne. Haba'an mumbatha. Et lorsqu'on voit qu'un corps comme la montagne, qui devient comme du sable, qui devient donc comme de la poussière, éparpillé, qui ne reste donc plus rien, on se rappelle d'un verset du Coran et ça nous fait réfléchir dessus. Un verset du Coran qui va parler de nos actes. Et qui va employer la même expression pour désigner la même chose. Lorsqu'Allah Azzawajal il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. الْهَبَاء, la poussière, également ici, مَنْثُورًا, de même éparpillée. Allah Azzawajal donc, pour ceux qui auront fait des actes, certains ils vont faire des actes comme des montagnes, mais ces actes-là, s'il n'y a pas d'ikhlas dedans, s'il n'y a pas une pure intention à l'intérieur de ces actes-là, alors ils deviendront de la poussière, même si c'est une montagne d'actes. C'est pour ça qu'on va voir ceux qui ont associé Allah Azzawajal, Kannasara, comme les chrétiens antiques d'exemple, ceux qui ont fait des actes dans leur vie d'ici-bas, pour les pauvres, qui ont voué leur vie, etc. Ils auront fait donc des montagnes d'actes. Mais lorsqu'ils vont arriver devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala, ces montagnes d'actes, ça deviendra comme des poussières, subhanallah, à cause de leur associationnisme. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucune ikhlas dans ce qu'ils ont fait, vu qu'ils ont associé à Allah azzawajal. De même pour ce qui est du musulman. Si ces actes, il les fait pour un autre que lui, par ostentation, alors s'il en fait des montagnes d'actes, ces actes-là, yawm al-qiyamah, ils deviendront haba'an manthura, ils deviendront donc de la poussière éparpillée. Et ici, ça nous fait prendre conscience également. Donc c'est un rappel pour ce qui est de l'importance de l'ikhlas fil amal. Mais également, ça nous rappelle que la différence qu'il y a eu entre nous et entre les meilleurs de cette communauté, as-sahaba, les compagnons, ça a été bel et bien fil ikhlas avant toute chose, c'est-à-dire dans leur pure intention. C'est pour ça que le prophète, sallallahu dans ce hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, يقول لا تسبوا أصحابي, n'insultez pas mes compagnons. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans ce hadith, n'insultez pas mes compagnons, sans exception tous mes compagnons. لا تسبوا أصحابي. Et on voit que certains ils ont pris leur religion à l'inverse de ce hadith. Les chiites al-Rawafid, jour et nuit ils insultent les compagnons, et ça fait part entière de leur religion, même les bases de leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لا تسبوا أصحابي. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا نَصِيفَهُ. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous rappeler ici pourquoi on n'a pas à insulter ses compagnons, pourquoi ils ont été donc les meilleurs des hommes de cette communauté, qu'ils ont été à la tête des salafs, les meilleurs de cette communauté. Car il nous dit, s'il y avait eu un d'entre vous qui avait donné donc aux momones comme Uhud, mithla Uhud, c'est-à-dire on voit bien ici la montagne, regardez la montagne d'Uhud, tous ceux qui ont été à Médine, qui ont fait l'Umrah, qui ont fait le pèlerinage, et qui ont visité Shuhada, ils auront vu donc cette montagne, qui est grande, qui est immense. Si quelqu'un donne en aumône comme cette montagne, subhanallah, et qu'il donne donc en or, que cette montagne-là, faite d'or, et qui est en réalité le résultat d'une aumône d'un d'entre nous, il faut savoir que cette montagne-là, d'or, faite par une aumône d'un d'entre nous, elle ne vaut pas, n'arrive pas, elle n'atteint pas al-mut, qui est bien entendu le creux des deux mains lorsqu'on place nos deux mains. Ce creux-là, ce qu'on appelle al-mut, donc qui est une mesure, qui était une mesure au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mut. Regardez donc le peu qu'on peut y rentrer dedans, comme aumône en zahab, c'est-à-dire donc en or, ça n'atteindra même pas cela de la part du sahabi. Si le sahabi lui donne à peine cela, al-mut, et que nous on a donné la montagne, ce ne sera même pas équivalent ce qu'on aura fait. Et c'est quoi le secret dans cela? Ma wassir. Et nous disent le prophète, wala nasifa, même pas la moitié. Même pas la moitié du creux de nos mains. Donc. C'est quoi donc le secret dans cela? C'est tout simplement bainahum wa bainana l'ikhlas. C'est-à-dire donc la pure intention qu'ils avaient lorsqu'ils ont fait leur acte dans l'islam. Et ça c'est une shahada. C'est donc un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ses compagnons. C'est ça la différence qu'il y a entre eux et nous. Et donc ici, el-jibal, qui devient donc poussière éparpillée. Et on sait que dans le Coran, Allah Azzawajal, il revient beaucoup à ce corps-là qui constitue donc notre terre et qui est el-jibal, qui est la montagne. À titre d'exemple, al-Nasara, les chrétiens, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé des chrétiens et lorsqu'ils ont dit qu'Allah Azzawajal avait pris un fils, ayadan billah, qu'est-ce qu'il a dit subhanahu wa ta'ala? وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا. Ils ont dit que le tout miséricordieux, il a pris un enfant. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. C'est-à-dire munkar azim. Vous êtes donc venu avec une chose qui est un mal énorme, terrible, عَيَادًا بِاللَّهِ. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de peu. De cette parole-là, le fait qu'ils ont dit qu'Allah Azzawajal l'a pris, un enfant, il s'en faut peu pour que les cieux, ils s'écartent ou ils se fendent. يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ, de cette parole-là, عَيَادًا بِاللَّهِ. وَتَنْشَقُّ الْأَرْضِ, et que la terre, elle se fende également. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ, et que donc, الْجِبَالُ, c'est-à-dire les montagnes, elles se rabattent. Subhanallah. Ici, Allah Azzawajal fait référence également au Jibal. De même pour ce qui est de Moussa. C'est-à-dire Moïse. Lorsque Moïse il a demandé à Allah Azzawajal qu'il se fasse voir et qu'il donc puisse le voir dans cette vie d'ici-bas. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sera vu dans cette vie d'ici-bas. Lantarani. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à Moïse lorsqu'il lui a demandé Lantarani. C'est-à-dire tu ne verras pas. L'an ici qui va nier toute vue. Mais dans le futur, mais dans cette vie d'ici-bas bien entendu. Dans cette vie d'ici, on sait que dans l'au-delà, comme c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, et par rapport aux autres versets du Coran, qui sont clairs et nets, qu'on a expliqués à maintes reprises, et qui nous prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu par les croyants, yom al-qiyama, et également fil jannah. Par contre, dans cette vie d'ici-bas, personne ne verra Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'il a dit Allah à Moïse, lam tarani. Et ensuite, falamma tajalla rabbu lil-jabali, ja'alahu takka wa kharra Musa sa'iqa. C'est-à-dire que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala se montrait donc à la terre, le Jibel, ce qu'il est advenu, elles ont explosé. Ja'alou dakka, c'est-à-dire en poussière. Également pour Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud. Et on sait que Daoud, il faisait beaucoup, il chantait beaucoup les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azawajal, il dit, Ya Jibel ou Awibi ma'am. Oh vous les montagnes, Awibi, c'est-à-dire sabbihi, Awibi. Marna sabbihi, awibi, c'est-à-dire donc, dis, chante les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, sabbih, dis la pureté d'Allah azawajal avec lui. Donc lorsqu'il fait ses invocations, Daoud, alors que Allah azawajal, il ordonne aux montagnes également de les dire. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, wa kuntum azwajan thalatha, vous serez de trois catégories. Azwajan thalatha, azwaj, au niveau de la langue arabe, c'est kul fardin yadhum ila ghayri yusamma zawjan wa law kana fardan, c'est-à-dire donc chaque chose qui va être reliée à une autre chose alors il va être appelé zawj. Donc on va être en trois catégories ici, donc azwajan qu'on traduit par catégorie. Il va avoir ashabul yamin fa ashabul maymanati ma ashabul maymana, donc les gens de la droite. Allah azawajal cite les gens de la droite en premier jusqu'à donc qu'on ait ce désir qu'on fasse partie d'eux. Et ensuite, il nous cite, subhanahu wa ta'ala, Ashabu Shimal, wa Ashabu al-Mash'amati ma Ashabu al-Mash'ama. Donc, al-Mash'ama, les gens donc de la gauche, Ashabu Shimal. Et ensuite, Allah Azzawajal, il les cite pour donc on ait peur, Tarhiban. Et ensuite, il cite le troisième groupe, Was-Sabiqoun, As-Sabiqoun. Donc, ceux qui ont devancé. As-Sabiq, dans la langue arabe, qui vient du verbe sabaqa, donc le fait de devancer, c'est ceux qui nous auront donc devancé, ceux qui auront devancé tous les autres, de par leur acte, de par leur croyance, de par leur foi, de par leurs bonnes actions. Was-sabiqoon, as-sabiqoon. Et donc ensuite Allah Azza wa Jalla, il les cite, حتى يطمع أصحاب الميمنة أن يرتفعوا بأنفسهم إلى هؤلاء إلى السابقين. Jusqu'à que les gens de la droite, ils aient le désir d'augmenter encore en degré et de faire partie de ces gens-là, ce qu'on appelle As-Sabiqoun. Ça donc, c'est les trois groupes. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla, il va parler d'eux. Et pour ce qui est des groupes, au niveau de la religion, Taqsimat, c'est-à-dire cette division des gens, on va les retrouver dans un verset du Qur'an, où Allah Azza wa Jalla, pour ce qui est des musulmans, ici, pour ce qui est donc des musulmans, il va nous montrer qu'il y a trois catégories. Donc pour ce qui est des musulmans, il y a donc trois catégories. Et qui est dans le verset suivant, où Allah Azza wa Jalla yaqul, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا. Donc parmi ceux dont Allah Azza wa Jalla a fait hériter le livre, parmi ceux qu'il a choisi, subhanahu wa ta'ala, parmi ses créatures, il y aura ceux qui seront considérés comme ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, celui donc qui a fait du mal à lui-même, qui était injuste envers lui-même. Comme l'expliquent les savants, ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, c'est celui donc, le musulman qui a fait beaucoup, qui a fait les mauvaises actions, qui est tombé dans les péchés. Et cette personne-là, elle est considérée ظَالِمُ لِنَفْسِهِ, elle a fait donc du mal à elle-même. Ensuite, la deuxième catégorie, وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, celui donc qui va être économe. Économe par rapport à quoi? C'est-à-dire que lui, il s'est écarté de tomber dans les péchés. Mais il n'a pas fait ce qui est surrogatoire. Il est resté uniquement sur les obligations. C'est-à-dire qu'il a fait le juste minimum de ce qu'on lui a demandé de faire. Adam Qutasit. C'est pour ça qu'on dit, qu'on traduit par économe. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Et ensuite, la troisième catégorie. On retrouve le terme ici, sabiq. Comme dans le verset sabiqoun as-sabiqoun, ceux qui ont donc devancé, entre parenthèses, qui ont devancé les autres par rapport aux bonnes actions, c'est-à-dire qu'en plus qu'ils ont fait les bonnes actions, c'est-à-dire les obligations, ils en sont tenus aux obligations, ils ne sont pas tombés dans les dhunoub, mais eux en plus ils ont fait tout ce qui était surrogatoire, ils se sont même privés par rapport à ce qui faisait partie des al-mubah, ce qui est permis dans les choses, on va dire, habituelles pour être au plus haut niveau. Et ceux-là, ce sont as-sabiqoun. Sabiqoun, as-sabiqoun. Ça fait partie des trois groupes. Et tous, comme dans la fin du verset du Coran, tous, ils rentreront fi al-jannah. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit à la fin du Coran, ذَلِكَ وَالْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunnah. C'est-à-dire, même celui qui est considéré ظَالِمُ لِنَفْسِ, celui qui est injuste, qui était injuste envers lui-même, yom el qiyama, même s'il a une purge, c'est-à-dire il purge une peine, même s'il reste un temps fi jahannam, un jour ou l'autre il sort, tant qu'il est resté sur le monothéisme et qu'il n'a pas fait ce qui le fait rentrer dans le polythéisme, et donc à ce moment-là il fera partie donc des gens du paradis, tôt ou tard, qu'il fasse une purge ou non, suivant ce qu'Allah Azza wa Jalla lui aura destiné, suivant ce qu'il lui a réservé comme miséricorde ou non, ou ce qu'il lui a pardonné ou ce qu'il ne lui a pas pardonné. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset as-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarrabun, il va donc dire ulaika al-muqarrabun, ce sont donc eux les plus rapprochés d'Allah azza wa jalla, as-sabiqoun yawm al-qiyamah, ils seront les plus rapprochés d'Allah fi al-jannah, ils seront les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala ulaika al-muqarrabun. Ici Allah azza wa jalla a dit al-muqarrabun et il n'a pas dit al-mutaqarribun. C'est-à-dire ici que c'est Adam min fadlillah azza wa jalla. C'est Allah azza wa jalla qui les a rapprochés de lui subhanahu wa ta'ala min fadli al-kabir. C'est pas eux qui se sont rapprochés de lui, c'est-à-dire uniquement de par leur action, mais c'est de par sa grâce subhanahu wa ta'ala. Il nous rappelle ici de par ce terme là employé lorsqu'il dit al-muqarrabun, ce sont eux qui ont été donc rapprochés. Il n'a pas dit al-mutaqarribun. Il y a une grande différence entre les deux. Pour le premier, al-muqarrabun, c'est Allah, c'est de par la grâce d'Allah azawajal. Par contre, al-mutaqarribun, ça aurait été donc de par les actes des hommes. Et ce n'est pas le cas. C'est uniquement par la grâce d'Allah et de par sa bienfaisance et sa miséricorde qu'il les a fait se rapprocher. Fi jannatin na'im. Ils seront donc dans les jardins de délices. Thullatum min al-awwalin wa qalilum min al-akhirin. C'est-à-dire qu'ils seront un grand nombre. Al-thulla, dans la langue arabe, c'est al-jama'atul kathira. C'est un grand nombre, un grand groupe. Thullatum min al-awwalin. Donc parmi les premiers, ils seront très nombreux. Wa qalilum min al-akhirin. Et parmi donc les derniers, ils seront très peu. Ici, les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit, c'est par rapport à toutes les autres communautés. C'est-à-dire, par rapport à toutes les autres communautés, ceux qui sont à Sabiqoun, ils ont été nombreux dans les premières communautés, contrairement à cette communauté où ils seront peu nombreux. Et d'autres, ils ont dit, ça concerne uniquement cette communauté. C'est-à-dire que les premiers de cette communauté, donc Salaf, ils auront été nombreux. Et on sait combien les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont dans ce sens et qui vantent les mérites des Salaf. Et donc, ils seront nombreux, si ça revient donc à cette communauté, ils seront nombreux dans les premiers temps, les premières générations des musulmans. Mais ils seront bien moins nombreux dans les dernières générations ou celles qui ont suivi plus tard. À la kulli hal, que ce soit parmi toutes les communautés ou que ce soit de par cette communauté, c'est tout à fait valable. Ensuite, يقول الله عز وجل على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Ils seront donc sur des lits موضونة, c'est-à-dire donc qui sera orné. Orné, que ce soit de pierre, que ce soit donc d'or, etc. Mansouja bidhahab wal yaqut muttaki'in 'alayha, et donc si accoudant, ils se reposeront sur ces lits là. Mutaqabilin, al mutaqabil, c'est ceux donc qui sont en face à face, ils se verront les uns aux autres. Yatufu 'alayhim wildan mukhalladun, parmi eux donc circuleront des garçons éternellement jeunes. Yatufu 'alayhim wildan mukhalladun, donc des jeunes, des enfants ou alors de jeune âge, mukhalladun, qui seront donc éternels. Et les savants, ils ont divergé. Est-ce que ces jeunes sont ceux parmi les enfants des musulmans qui sont morts très bas âge, ou alors est-ce que ce sont des jeunes gens qui ont été créés spécialement pour le al-jannah? Allahu ta'ala alam. Ala kulli hal, ikhtilaf des savants par rapport à ça. Et donc, ils circulent entre eux, bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, parmi eux donc circuleront, ou avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, min ma'in, ce qu'on a dû appeler al-ma'in, et qui est en réalité khamr al-jannah, qui est en vérité donc ce vin délicieux que l'on retrouvera dans le jannah. Donc akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun. Et donc pour ce qui est des caractéristiques de ce vin délicieux et de cette boisson délicieuse, c'est que fil jannah, dans le paradis, la caractéristique de cette boisson, la yusaddaun, c'est-à-dire que ce khamr là, ce vin, il ne va pas donner des maux de tête. À souda, ce qu'on appelle donc à souda, la yusaddaun anha. Contrairement donc à celui de cette ville ici-bas. Et Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhumah, il nous rappelle que la différence qu'il y a entre ce vin de l'au-delà et celui de la ville ici-bas, elle est de quatre. C'est que dans un premier temps, elle rend la personne sous, ivre, sakar. Ensuite, souda, elle donne des maux de tête. Contrairement donc à celui du jannah, autant on en boira et jamais on aura tout seul. Et il sera délicieux. Également, al-qi, c'est-à-dire qu'on va vomir dans cette ville ici-bas, contrairement à l'au-delà. Et également à l'baoul, c'est-à-dire donc l'urine. On va faire nos besoins lorsqu'on a trop bu. Contrairement à l'au-delà où cela n'existera pas. Wa la yunzifun, deux explications. La tuvib uqulahum lani, c'est-à-dire la yunzifun, ça ne les rend pas sous, ivres. Et également, une explication qui est donnée par les savants, wa la yunzifun, c'est-à-dire la tanfad, C'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera jamais. Il sera tout le temps présent, contrairement donc aux 20 d'ici-bas, qui s'arrêtent un jour, ou alors qui s'arrêtent lorsqu'on n'en a plus. Alors que celui, par rapport à chaque personne, dans l'au-delà, jamais il ne s'arrêtera. On en aura autant volonté tant qu'on voudra. Et ensuite donc, il y aura des fruits de leur choix qu'ils pourront choisir. Et ils auront également donc de la al-lahm, qu'ils auront donc de la viande d'oiseau qu'ils désireront. Yashtahoun, le désir qu'ils auront. Et bien entendu ici il est précisé lahm tayrin, car on sait que cette catégorie de viande, on ne la trouve pas tout le temps. Et souvent les personnes aisées, comme on dit la haute classe, qui mangent de ce genre de viande. Alors que les gens d'autres classes, eux, ils mangent ce qui est beaucoup plus habituel. Lahm al-an'am tayyib. Donc c'est pour ça qu'ici, fil janna, nous précise subhanahu wa ta'ala, wa lahm tayri mimma yashtahun. Ici, nukta, c'est-à-dire un point. Pourquoi Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il a mis dans un premier temps, ou il a cité dans un premier temps, les fruits, et ensuite il a cité lahm. Sachant que nous, dans la vie d'ici-bas, on commence toujours par manger la viande et ensuite on finit par les fruits. Ça, c'est ce qui est la coutume pratiquement de tout le monde, dans tous les pays et à toute époque. C'est que la personne, elle commence, comme on dit, à manger le plat de résistance et ensuite donc de finir par ce qui est beaucoup plus léger, al-fakia. La différence, fil jannah, c'est que les gens ne vont pas manger les asuddul jour, c'est-à-dire ils ne vont pas manger pour couper leur faim, car il n'y aura pas de faim dans fil jannah. Les gens, ce n'est pas par faim qu'ils vont manger, mais c'est tout simplement par désir. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de différence donc, entre el-fakia et entre lahm. Donc ils commenceront bil-fakia, ils commenceront donc par le fruit et ensuite bil-lahm, contrairement dans cette vie d'ici-bas. Également, wa-fakiyati mimma yatakhayyaroun, el-fakia, sont donc des fruits. Mais est-ce que ces fruits-là, ils sont comme ceux dans l'ici-bas? En réalité, dans leur forme, ils sont comme ceux de l'ici-bas, mais pas dans leur goût. Et ça, c'est pris en réalité d'un des versets du Coran, fi surat al-Baqara. Allah Azza wa Jal nous rapporte, ou nous rappelle, que lorsqu'on va présenter aux gens du paradis ces fruits, ils vont dire que ce sont les mêmes fruits qu'on leur a présentés donc dans cette vie d'ici-bas, qu'ils ont mangé dans cette vie d'ici-bas. Mais qu'en réalité, ils sont dans leur forme. Il y en a chaque loi fi dunya, chaque loi fi l'akhirah. C'est-à-dire donc leur, ils sont de même pour ce qui est de la forme, mais c'est le goût donc qui va être totalement différent. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit: "Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa utu bihi mutashabiha." Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: "C'est bien là ce que nous avons été servis auparavant." Donc fi jannah. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Seulement dans la forme. Ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa hurun ayn. Et on continuera, inshallah, la prochaine fois l'explication de cette sourate, car ça fait une heure court. On a ktafi biyad al-qadr, inshallah wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa